se consume à t'aimer. Tu es mon unique pensée, oui, ah, ma belle. Elle m'a à la vaille. Depuis que tu es à moi, Kacha. Nanazo Kacha, bando kuma yanga. Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, mama. Nanazo Kacha, bando kuma yanga. Nanazo Kacha, Kacha. Baby, sans toi je perdrais toute ma raison. Je serais comme un corps sans mot thème. Qu'importe les hommes. Chérie, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi. Ne t'inquiète pas, mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal, l'ennemi sort au commis. Depuis que tu es à moi, Kacha. Nanazo Kacha, bando kuma yanga. Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, mama. Nanazo Kacha, bando kuma yanga. Nanazo Kacha, Kacha. Si j'étais une larme, je naîtrais de tes yeux pour caresser ta joue et mourir sur tes lèvres. Depuis que tu es à moi, Kacha. Nanazo Kacha, bando koma yanga. Nanazo Kacha, Kacha. Depuis que tu es à moi, Nanazo Kacha, mama. Nanazo Kacha, bando koma yanga. Nanazo Kacha, Kacha.